Allô tout le monde et bienvenue à Anne et Kat, le podcast. Yay! Dans le fond, là, aujourd'hui, on a pas mal de choses à discuter. Puis, je voulais commencer en parlant un petit peu brièvement là, de la seconde édition du Meetup Twitch qui va avoir lieu au Saguenay, qui est cet été. Là, dans le fond, c'est juste pour dire qu'on cherche à établir la date. Donc, si vous êtes intéressé un petit peu, juste faire un tour sur Facebook, vous avez juste à taper Meetup Twitch Saguenay, puis ça va vous apparaître, puis vous pouvez répondre pour nous aider à choisir la date pour avoir le plus de gens possible. Sinon, bonjour! Bonjour! Allô, allô! Allô! Donc, ça va bien? Ça va super bien, et toi? Oui, moi ça va bien aussi. Puis là, dans le fond, on fait un podcast édition spéciale pour fêter l'anniversaire des Sims de la franchise qui a 17 ans aujourd'hui. Ben, qui a 17 ans cette année. Clap, clap, clap, clap. Ouais, tout Bravo à les Sims fait. d'être encore en vie après 17 années. Oui. Puis là, récemment, ben, dans le fond, avec l'arrivée de la nouvelle année, la franchise a décidé de célébrer ça. Donc, on s'est dit, ça va être le fun. On va pouvoir en parler aujourd'hui dans le podcast également. Puis sinon, juste avant d'aborder le vif du sujet, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, à quoi qu'on a joué cette semaine. Donc, Oui, tout. moi, cette semaine, j'ai recommencé à jouer à Black Desert Online. Je te dirais, j'y joue à tous les jours. Je vais être sûre d'aller débloquer mes petits cadeaux de la journée parce qu'à chaque jour, ils donnent un petit cadeau vu que c'est un événement spécial. Là, je suis comme toute heureuse. La faute du gain. Oh, mais hein! Mais aussi le fait que j'ai découvert que parce que là, quand c'est sorti, je m'étais acheté une maison dans le jeu, bien entendu. OK. Et parce que ça faisait un an que j'y avais pas été, je gagnais des gains sur cette maison-là. J'avais des montants qui s'additionnaient parce que j'avais mis des belles décorations, etc. Puis là, j'ai découvert que j'avais un 47 millions de dollars qui m'attendait en banque. Donc, j'ai vraiment du fun. T'es riche! J'ai des beaux chevaux, j'ai une belle maison, j'ai du beau linge, j'ai tous les habits qui sont possibles d'acheter au marché, à acheter avec l'argent de Dieu, bien entendu. J'ai pas ceux-là avec l'argent, là. Ouais. Mais je suis vraiment contente, j'ai vraiment du fun, puis je trippe bien Wow! My God! Puis ça, dans le fond, Black Desert Online, c'est-tu un... c'est pas un free-to-play, ça, hein? Non, C'est en un effet, MMO pour acheter qui... le jeu, c'est un peu OK. comme, par exemple, avec, voyons, j'ai un petit blanc, le jeu que tu joues aussi, là! Ah, OK, Guild Wars 2! Guild Wars 2, c'est un peu comme Guild Wars 2, on achète le jeu et par la suite c'est gratuit, pas besoin d'abonnement Ah... par mois à payer. Ouais. Ben, moi, tu vois, c'est ça qui m'arrête à m'essayer à Final Fantasy, là, A Realm Reborn, là. Ok, ouais, Ben, le MMO, en fait, de Final Fantasy, qui m'intéresse beaucoup, mais malheureusement, je trouve que c'est assez compliqué parce qu'en plus de payer ta subscription par mois, tu as deux choix de subscription. Tu as comme une subscription de luxe, tu as une subscription moins chère, puis il faut comme que tu payes un prix en partant en plus. Ah non, c'est assez compliqué. ouais, c'est Donc. un peu comme World of Warcraft. T'achètes le jeu et par la suite, tu dois acheter par mois, dans le fond. Oui, mais qu'est-ce que tu achètes par mois? Dans le fond, si tu as plus que tant de personnages, tu n'as pas le choix de payer plus cher par mois. Ah, ok. Puis, dépendamment de tes serveurs, dans le fond, si tu veux utiliser plusieurs serveurs, tu dois payer plus cher aussi. Puis, tu as même, mettons que la subscription te coûte 15 $ par mois, il faut même que tu payes un 8 $ supplémentaire pour je sais pas quoi, là. C'est sûr que là, je m'avance. J'ai regardé vite fait, puis je trouvais ça compliqué du premier abord. Donc, je me suis dit, OK, je vais me concentrer sur mes jeux que j'ai actuellement avant de me lancer là-dedans, là. Parce que, aussi, qu'est-ce qui arrive avec les MMO, surtout les MMO payants, les gens vont y jouer, mais ils vont jouer qu'à ça. Ben, dans un sens, parce que c'est quelque chose qui te demande beaucoup de temps, puis c'est quelque chose aussi qui demande un budget. Donc, c'est normal de focusser juste sur ça, là. Ouais, je comprends. Ouais. En tout cas, bref, ceci étant dit, moi, cette semaine, j'ai joué, dans le fond, à Final Fantasy XV, il y a un festival, le Moogle Chocobo Festival, ben dans le fond, le carnaval, là, en anglais, puis ça, il est disponible dans le jeu jusqu'au 15 février, si je me trompe pas. 15 ou le 19, je suis pas certaine, mais je pense que c'est le 15 février. Et puis j'ai voulu jouer, j'ai voulu l'essayer. Donc j'ai fait une petite vidéo YouTube sur le sujet. C'est vraiment le fun. C'est très très très très ludique dans le sens que c'est des mini-jeux qu'on a à jouer qui sont très farfelu, puis c'est vraiment comme pour passer le temps, là. Tu sais, faut pas penser que ça l'ajoute au jeu principal. C'est gratuit. Si on a la passe de saison, on a des vêtements supplémentaires, mais sinon, là, c'est gratuit, puis j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un peu dans le fond comme les festivals style Harvest Moon, ton petit festival du mois, puis... Non, parce que tu as beaucoup plus de contenu. OK. Puis qu'est-ce qui est plaisant aussi, c'est que peu importe où ce que tu es rendu dans le jeu, tu as accès, parce que c'est quand, puis ça a été difficile pour moi de trouver, là. Quand tu rouvres le jeu, puis tu es sur l'écran principal, tu as un choix supplémentaire qui s'appelle spécial. En tout cas, dans mon cas, là, ça s'appelle spécial. Tu cliques sur ça, puis ça te dit, OK, choisis une donnée de sauvegarde, puis c'est avec celle-là que tu peux aller dans le festival. Pourquoi il y a une donnée de sauvegarde spéciale pour dédiée pour le festival? Parce que dans le fond, le festival a lieu uniquement dans la ville d'Altitia, puis c'est pas tout le monde qui peut s'y rendre, puis c'est compliqué, puis tu sais, comme moi, j'ai fini le jeu au complet, puis pour m'y rendre, il faut que je fasse des voyages dans le temps, là. Donc, OK. c'est assez, puis c'est aussi pour permettre à tout le monde d'y avoir accès, là. OK, donc au moins ils ont fait en conséquence que tout le monde puisse y participer, là. Ils ont pensé à tout le monde là-dedans, là. Oui, ben c'est ça, là. Puis aussi, tu sais, ça reste un Final Fantasy, là, qu'est-ce que je trouve qui est très japonais, dans le sens que c'était censé être en ligne le 23 ou le 24, mais finalement, moi, en tout cas, ça a été le 25. OK. En tout cas, le 25 janvier. En tout cas, ça a été quelque chose, mais c'est super plaisant. Mais c'est des petits jeux, là. C'est vraiment des jeux, là, des petits jeux de fête foraine, là, destinés à passer le temps, là, puis qui sont assez cute, là. C'est pas pour. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des prix aussi à gagner que tu peux conserver une fois que le festival est terminé? Les seules choses que j'ai vues, c'est que quand t'arrives, t'as des vêtements, puis je pense que c'est la seule chose. Donc c'est vraiment du visuel, là. C'est pas quelque chose qui peut booster ton perso parce que t'es allé là, ok. Non, mais ça aurait été difficile compte tenu que, tu sais, il y a une différence entre quelqu'un qui est level 3 qui fait le carnaval, puis quelqu'un qui a fini le jeu aussi, là, tu sais, comme moi, mettons, j'ai fini le jeu, ça m'aurait servi à quoi, tu sais, tout ça, là, donc, mais non, je trouve que c'est très bien fait, puis c'est compréhensible dans le sens qu'il faut qu'il puisse l'adapter à tout le monde, là. Ok, donc au moins tout le monde est invité à ce petit carnaval-là. Ouais, c'est fantastique. Puis sinon, ben là, on est en février, puis on va parler un petit peu des jeux qui sortent en février. Des jeux. Ben moi, sérieusement, là, le mois de février, il m'a surpris dans les sorties de jeux. Là, il m'intéresse énormément. Il y a entre autres Fire Emblem qui est disponible sur Android et iOS, le deuxième jeu officiel de Nintendo à être sur les cellulaires. Ils Puis. sont sur une bonne lignée, là. Jusqu'à maintenant, c'est quand même des jeux aussi qui semblent avoir des bonnes cotes. Oui, par exemple, avec Mario Super Mario Run, il y a eu un petit, tu sais, genre dans le fond, tout le monde le télécharge, puis sont curieux parce que c'est Nintendo, mais après une semaine, puis personne y joue. Un peu comme Probablement, Pokémon, là. Pokémon Go, un petit peu une grosse. Les gens, ils jouent beaucoup, puis après ça, on laisse un peu de côté. oui, mais. Qu'est-ce qui arrive, c'est que comme Super Mario Run, il y a des gens qui l'ont passé à 100% en 3 jours, là. Fait Ok, que donc c'est pas faut. une longue jouabilité là. Non, mais faut pas oublier que c'est quand même un jeu de cellulaire. Puis c'est ça. Puis sinon, il y a un jeu que j'attends avec impatience. C'est Poochie Yoshi's Woolly World. Dans le fond, c'est. Fire Emblem est sorti le 2 février. Poochie, lui, sortait le 3. On est présentement le 4 février, la date où ce qu'on fait l'enregistrement du podcast. Moi, je l'ai précommandé. Malheureusement, je vais l'avoir juste en retard. Mais c'est le même jeu que. Ben, dans le fond, c'est Yoshi Woolly World qui était présent à la Wii U. C'est exactement le même jeu. C'est juste que si on a l'amiibo de Poochie, le petit chien là, ami de Yoshi, puis qu'on s'en sert, Poochie va apparaître puis va aider Yoshi. Donc, c'est sûr que de voir un jeu identique remis au 3DS, on se dit, ah, c'est plate, si je l'ai déjà. Mais là, ils ont ajouté cette fonction pour justement que les gens qui ont aimé le jeu, ben, ils rejouent, puis il y a un défi de plus, là. Je regarde les images, il est vraiment cute! Il est vraiment beau, puis aussi, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il a acheté le Amiibo uniquement, puis il est assez dispendieux, il est 25 $ taxes incluses. My God, donc il doit rajouter beaucoup de contenu en même temps. Là, c'est pas un petit amiibo comme les autres. Non, c'est ça, là, c'est qu'il vient vraiment avec son contenu, là, il a l'air d'être un petit peu plus gros qu'un Amiibo normal. Moi, j'ai, parce qu'il est en laine, moi j'ai les Yoshi en laine également, Amiibo, j'ai la collection complète. Ils sont pas nécessairement plus gros, mais je pense que Pucci, il est plus gros. Mais comme je dis, j'ai pas reçu encore, là, je peux pas en parler officiellement, là, mais peut-être le prix est en fonction de la grosseur et de tout le contenu qu'il va rajouter. Cela, il en vaut la peine. Est-ce que tu dois avoir le jeu à part ou c'est seulement l'amiibo? Non, non, faut que t'ailles le jeu et l'amiibo. OK. Je me demandais si on pouvait l'utiliser, par exemple, avec 25 $, comme un peu comme si on rajoutait ça au jeu, qu'on avait peut-être des nouvelles maps qui apparaissaient, des nouvelles cartes, des nouvelles fonctionnalités, là. Ouais, ben il va, si t'as le jeu qui va avec, oui, mais tu sais, si tu prends Pucci puis que tu le mets dans ton Mario Kart, je pense pas qu'il va faire grand-chose, là. Non, mais je parlais plus, par exemple, dans Yoshi Woolly World qui est déjà sorti, là. Présentement, c'est sûr que Nintendo, ils veulent pas non plus gâcher là, les punchs de personne, mais présentement, de ce qu'on a vu, c'est que tu prends Pucci puis il aide ton personnage de par lui-même. OK, fait que c'est un petit personnage qui t'aide tout au long de ton aventure. Ouais, puis dans le fond, c'est comme un summon. Puis, mais je sais pas s'il va apporter autre chose, par exemple. Ça va être la surprise qu'on va apprendre au prochain podcast, non? Oui, parce que là, finalement, je vais l'avoir, puis je vais pouvoir y jouer. Et en plus, tu pourrais même peut-être en faire une petite vidéo de démonstration et tout, puis on pourrait même peut-être le présenter au podcast. Ben oui, c'est sûr, parce que en plus, moi, là-dedans, j'ai la collection complète de Yoshi, là. Donc, c'est sûr que je veux voir si on les met ensemble, si ça fait des ajouts, ou en tout cas, tu sais, je vais pouvoir comme tout exploiter, là, le jeu au complet. Fait que c'est sûr et certain qu'on va essayer de voir ça, puis on va présenter ça pour que les gens soient au courant, parce que tu sais, c'est pas tout le monde non plus qui veut se procurer toutes les amiibo de laine, mais au moins là, on va voir qu'est-ce que ça fait quand on les a, là. Parce qu'ils sont un peu plus dispendieux, mais ils sont plus cute. Ouais! Sinon, le 7 février, on a quand même des jeux intéressants qui sortent. Il y a Atelier Sophie de Alchemist of the Mysterious Book. Ça, c'est, dans le fond, il est sorti sur PlayStation 4 et Vita en juin. Mais, parce que oui, il y a encore des jeux qui sortent sur Vita. Puis, Ouais, tu m'as épaté avec cette nouvelle. ouais, hein? Puis, dans le fond, le jeu il est sorti sur ça. Puis, il est présentement disponible là, sur Windows. Dans le fond, moi, je l'ai vu sur Steam. Bon, excusez. Je l'ai vu sur Steam. Et puis, il a l'air super le fun. Par exemple, ma seule critique, c'est que malheureusement, il a l'air d'être un jeu. Il a l'air d'être un jeu fait vraiment pour Vita et optimisé pour le Vita qui a été porté sur PC et PlayStation. Dans le sens là, de la simplicité là, du jeu. Par exemple, là, l'histoire là, est vraiment intéressante. On parle vraiment d'un JRPG, là, d'un jeu de rôle là, japonais, là, dans tout ce qu'on connaît là, avec les attributs très manga, puis tout ça super cute Avec le et bla. visuel aussi, on peut C'est remarquer. ça, puis dans le fond, le personnage est une fille, puis elle fait de la magie un peu, de l'alchimie, donc là, tu suis son histoire là-dedans, là, c'est vraiment intéressant. Puis le 7, on a également Nioh qui est très attendu par la communauté Dark Souls, on va dire. En effet, j'ai regardé aussi un peu de gens y jouer, puis c'est un jeu qui semble assez intéressant, du genre si on aime beaucoup avoir de la difficulté, parce qu'on dirait que c'est pas tout donné, tout cuit comme certains autres jeux. Faut vraiment travailler fort pour réussir à avancer dans les niveaux, à ce que j'ai vu. Puis ce que j'aime beaucoup, je m'avançais un peu, mais on dirait qu'ils ont beaucoup écouté la communauté parce Oui. qu'on m'a dit que le premier alpha était pas comme ça, la première bêta, etc. Il paraît qu'ils ont écouté les fans et que c'est beaucoup mieux qu'au début, donc j'ai hâte de le voir. Je vais sûrement y jouer parce que je sais que justement OneUp HCG va l'acheter, donc je vais sûrement y en emprunter. Je Ben vais en profiter, puis je vais pouvoir aussi oui. peut-être en parler un peu au prochain podcast. Ouais, ben aussi moi qu'est-ce que j'aime beaucoup c'est ben dans le fond c'est dans la même veine que les Dark Souls où ce que le personnage va doit se rendre du point A au point B puis au cours de son cheminement il y a plusieurs boss à affronter mais moi qu'est-ce que j'aime c'est que il y a tout l'univers du Japon là ancestral l'univers des samouraïs tout l'univers des arts martiaux au complet. Le personnage doit maîtriser toutes les formes d'arts martiaux qui existent. Puis ça comprend comme tous les maniements d'armes, puis les différents arts martiaux également là, du corps, parce que dans le fond, tu as certains arts martiaux qui vont focusser sur l'utilisation du corps comme, mettons, réponse à l'attaque, puis d'autres, ça va être le corps qui va attaquer. En tout cas, c'est plein. Puis, moi, j'ai pratiqué les arts martiaux, puis tout ça, puis c'est très bien fait, puis c'est très axé sur ça. Donc, pour quelqu'un comme moi qui a un intérêt là-dedans, regarder ce jeu-là, parce que c'est pas qu'un jeu qui m'intéresse, mais le regarder, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Le visuel aussi nous change. Beaucoup font un rappel, trouvent que le personnage ressemble à Geralt de Rivia, là, dans The Witcher 3. Là. Mais le visuel interpelle beaucoup les gens. Il y a une réaction très favorable au jeu. Puis ça nous change parce que Dark Souls, dans le fond, ils nous amènent dans leur monde qui est très, très, très noir. Puis, Comme Bloodborne aussi, qui ressemble beaucoup visuellement. ben, c'est ça. Puis la majorité de la communauté de Dark Souls et Bloodborne vont dire, ouais, mais moi, je m'en fous de quoi ça a l'air. Je veux juste affronter les démons. Puis Je je pense que c'est du comprends. challenge qu'on cherche. C'est ça, je comprends ça, mais là, on a le challenge, puis on est aussi transporté dans un univers. Puis Forerunner, là, on va en parler plus tard un peu, mais Forerunner, c'est la même affaire. Ils vont nous montrer. Tu sais, on peut maintenant se battre en tant que samouraï, puis en tant que viking, qu'est-ce qui est super rare. On est tellement habitué de faire des chevaliers, puis tout le temps d'être dans le médiéval. Puis là, les gens, ils disent, c'est finalement, on est capable de faire autre chose, puis de jouer autre chose, puis c'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime. Puis je trouve que en plus, 2007, c'est l'année PlayStation. Parce que là, Neo est une exclusivité PlayStation 4. Puis il y a pas mal de jeux là, qui sortent là, récemment qui sont des exclusivités. Puis je trouve que là, ça s'en vient. Tu sais, là, que. Ben, en tout cas, je trouve que 2017 s'en vient à être l'année en force pour PlayStation pour les exclusivités, là. Moi, je Parce trouve que. que 2016 a donné aussi de bonnes exclusivités parce que chez nous, ici, on a les deux consoles. Puis je te dirais, sur Xbox, c'est pas mal juste Halo qu'on a pris. Puis il y a aussi. Rise of the Tomb Raider. Ouais, mais il faut dire aussi qu'il venait aussi avec les autres consoles plus tard, là. Oui, mais on parle, c'est. Il est venu avec les autres consoles quand même 1 an et demi à 2 ans plus tard. Ben ça, je pense que moi, personnellement, ça valait peut-être pas la peine de l'acheter tout de Ouais. suite au Xbox, sachant que j'ai la PlayStation, mais je parle vraiment exclusivité, exclusivité, là. Ouais, c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai préféré, mais ça dépend aussi, là. C'est sûr qu'il y en a qui aiment beaucoup plus le sport avec les jeux des Xbox, etc. Mais moi, j'aime beaucoup ceux qui viennent avec la PlayStation, Until Dawn, Heavy Rain, ben, ça, c'est avec Ouais. la 3, mais la 4 aussi. Puis The Last of Us, moi, là, je suis vraiment fan des jeux qui sortent avec cette console. Ben aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on a Nioh, qui les gens ont beaucoup d'attentes, puis qui ont beaucoup aimé à la bêta. Mais aussi, tu sais, on va en parler plus tard, il y a Horizon Zero Dawn, qui est une autre exclusivité, qui sort à la fin du mois. Tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est des exclusivités que si on n'a pas la PlayStation, on n'a aucun moyen d'y jouer du tout, là. Puis, tu sais, il y a quand même Final Fantasy, qu'il y a des rumeurs qui sortiraient sur PC, mais c'est des rumeurs encore. Tu sais, c'est pas. Il n'y a pas rien de confirmé encore. Puis en plus de ça, imagine le PC pour runner Final Fantasy XV. Faut que ça Ben, monte. c'est ça. Donc, moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, je trouve que là, le mois de février est en train de nous présenter comme étant là, une année charnière pour la PlayStation. Puis aussi, il y a également, là, je sais pas c'est quand qu'il sort, mais le jeu Nier, Lequel? là. En tout cas, Nier Automata. En tout cas, Je le connais pas. c'est un jeu qui est très attendu également, puis si je me trompe pas, il est exclusif PlayStation également. Donc, là, je vais le taper vite pour vous le dire. Ah, c'est la date initiale et le 23 février, mais il n'y a pas d'autre. Ah, OK. Il va sortir en même temps PlayStation 4 et Microsoft. Fait que. Ouais, c'est Sinon, puis la date, pour ce qui est de la date, était. le 23 février. Ça, c'est au Japon. Ok, le 7 mars. Ok, ouais, Ok. sinon. Là, au Japon, c'est le 23 février. Mars, le 7 mars en Amérique. Pâle, c'est le 10 mars. Pâle, je sais pas c'est quoi, là, le reste du monde, peut-être. Puis c'est ça. Fait que, ça, c'est un jeu qui est très attendu aussi de Square Enix. Et il va sortir en mars, mais là, en tout cas, on en reparle en mars, là, mais qui est une exclue également. Donc, c'est ça. Puis ensuite, toujours le 7 février, on a WWE 2K 17. Malheureusement, je suis désolée, je connais rien au jeu de sport, Non plus, ça mais... m'intéresse pas vraiment. C'est pas dans mes goûts, dans ma palette. Non, c'est ça, mais on se voyait mal l'ignorer là pour notre liste quand même. Fallait quand même le mentionner. Un qu'on a mentionné brièvement, For Honor, qui est sur PlayStation, PC et Xbox One. Dans le fond, c'est un jeu qui nous permet de faire du multijoueur en ligne. Où ce qu'on s'affronte, les camps qui s'affrontent. Il y a également une partie qui est le mode histoire. Personnellement, moi, le mode histoire m'intéresse. Ça serait peut-être une location, justement, là, pour explorer le mode histoire, parce que moi, le mode en ligne ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, il y a Sniper Elite 4, qui est... Moi, je connais pas ça du tout, mais il y a des gens dans ma famille qui jouent puis qui adorent cette franchise-là. Donc c'est sûr que là, à ce moment, je peux pas comme trop en parler, mais j'ai l'impression qu'il est quand même très attendu aussi. PlayStation 4, Windows PC, Xbox One également. Ça, c'est le 14 février. Donc, For Honor et Sniper Elite 4, le 14 février, la journée de la Saint-Valentin! Acheter ça avec 12 moitiés. Ben oui, des beaux jeux d'amour. Je sais que Ubisoft, pour For Honor, fait beaucoup de promos avec la Saint-Valentin, là. Donc, c'est assez drôle. En gros, les Ensuite, blondes, vous écoutez, si vous oui. voulez rendre votre chum heureux, vous achetez ce jeu-là, Ubisoft vous le garantit. Ben oui. Oh non, ça va vous faire une belle soirée. Ensuite, on a le 21 février, on en a quelques-uns également. Il y a Berserk and the Band of the Hawk. Je connais pas ça du tout. Désolée. Sur PlayStation 4, Vita et Windows PC. Puis, ouais, je tiens à mentionner, là, je me suis comme rendu compte trop tard que la Vita serait une console qui, pour mes goûts, puis c'est comme rendu impossible à acheter maintenant. Donc, c'est quand même spécial qu'ils continuent à sortir des jeux sur une console qui n'est plus achetable en magasin. C'est Moi, quand même. j'étais certaine qu'il n'y avait plus de jeu qui sortait là-dessus. Ça fait un petit bout, là. Ça doit faire environ 5 ans qu'elle est sortie. Ouais, c'est ça, c'est assez impressionnant. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est que PlayStation va sortir son jeu sur Vita et PlayStation 4 en même temps. Donc, c'est comme si, exemple, la Switch, tous ces jeux qui sortaient sur la Switch sortaient également sur 3DS. T'sais, on serait tellement heureux. Mais c'est ça. Bref. Ensuite, il y a Halo Wars 2, qui est quand même attendu par plusieurs, qui est exclusivité Xbox One et PC. Night in the Woods, qui, là, je vais pas m'avancer, mais qui, d'après moi, a l'air d'être un jeu indépendant, qui est un petit jeu. C'est hyper, hyper mignon, qui est disponible sur Linux. Linux, Mac et Windows PC. Sérieusement, là, c'est vraiment mignon, puis je trouve que ça vaut vraiment le tour. Puis personnellement, j'en ai pas entendu parler assez. C'est vrai, juste le visuel, quand on regarde rapidement, là, je conseille à ceux justement qui sont en train d'écouter le podcast d'aller faire une petite recherche rapidement. Night in the Woods, c'est vraiment cute, c'est vraiment. C'est pas juste enfantin, je veux dire. Il y a des belles couleurs, c'est bien fait, les formes sont diversifiées, je trouve ça vraiment. Oui. Visuellement parlant, c'est attractif. Oui, vraiment, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un œil. C'est vraiment passer pas à côté de ça. En train de regarder justement une petite vidéo, c'est vraiment cute. Oui, vraiment. Ensuite, il y a. Ça, c'était pour le 21 février. On a ensuite Lego Worlds qui est maintenant, qui va être disponible le 24 février sur PlayStation 4, Windows PC et Xbox One. Lego Worlds, il est présentement en Early Access sur Steam. Là, je cherchais le mot en français, là, en accès anticipé sur Steam depuis très longtemps, même je dirais 2 ans comme faux. J'ai des amis qui avaient acheté l'accès anticipé, puis qui avaient été très, très, très, très déçus parce que c'est la même chose que Minecraft, Sauf que c'est Lego. Dans le sens que, tu sais, il y a certains jeux, comme moi, j'ai joué récemment à Dragon Quest Builders et beaucoup me disaient, hey, ça ressemble à Minecraft. C'est vrai que ça y ressemble, mais Lego Worlds, pour moi, c'est vraiment, vraiment la franchise Minecraft, mais en Lego. Moi, ça m'intéresse beaucoup, c'est sûr. J'adore les Lego, j'adore l'humour des Lego, puis j'adore un petit peu l'aspect Minecraft. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose là, qui attire mon attention. Également, on a Horizon Zero Dawn, Ah, celui-là, exclusivité. moi j'ai Oui. hâte de le voir. J'en avais déjà parlé aussi au début lors d'un podcast précédent. Maintenant, ça va enfin sortir. C'est l'histoire justement de Aloy, une chasseuse et archère, qui est maintenant dans un monde post-apocalyptique, qui est vraiment avec des créatures mécaniques, mécanisées, c'est-à-dire. Et si on regarde, on dirait que moi, ça me rappelle beaucoup justement Heavenly Sword, puis Sword. Et ce genre de jeu, je parle visuellement parlant, le personnage me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à ce personnage-là, le style, etc. J'ai hâte de voir si la jouabilité va y ressembler. Sinon, ce qui est cool aussi, c'est que j'ai hâte de voir, c'est que les ennemis sont des robots, mais on a besoin d'aller chercher certaines parties pour pouvoir créer d'autres trucs. J'ai pas joué encore parce qu'il n'est pas encore sorti, mais Ouais. c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je trouve que ça fait différent des jeux qu'on a présentement sur le marché. Oui, c'est vrai. Moi, ça me rappelle un petit peu l'univers, me rappelle un petit peu celui-là de Xenoblade. Donc, c'est les machines, puis les... En tout cas, mais c'est ça. Non, il est très attendu. C'était une révélation au dernier E3, même au dernier, avant-dernier, etc. Il est très attendu. C'est une exclusivité PlayStation 4 qui va être disponible le 28 février. Puis moi, personnellement, j'ai pas l'intention de me le procurer, mais j'ai bien l'intention là, de me l'acheter. Wow, j'ai pas l'intention de me le Ouais, procurer, mais j'ai là, je suis comme, l'intention de on veut l'acheter l'acheter. ou on ne veut pas, là? Mais j'ai l'intention de regarder sur Twitch des gens le streamer. Je veux voir l'histoire, je veux voir c'est quoi. Ça m'intéresse énormément. Mais il n'est pas C'est dans mon tes genre. priorités avec en lien avec ton compte bancaire. Ouais, ben il y a ça, mais il y a aussi une question de temps, dans le sens que là, des fois, si on achète un jeu à chaque fois qu'on a le goût d'y jouer, là, maintenant, il faut penser au jeu qu'on a déjà. Tu sais, présentement, j'aime bien Dragon Quest Builders puis les Sims avec la nouvelle expansion. Donc, je suis comme pas nécessairement intéressée à tout de suite aller dans autre chose, là, dans le sens que c'est peut-être pas le temps pour moi maintenant de jouer à ces jeux-là. Ça sert à rien non plus de toutes les avoir en même temps puis de pas pouvoir y jouer de toute façon. Surtout Donc, quand, comme tu dis, à long terme, le prix va descendre, donc surtout ouais. pouvoir en profiter avec un bon petit deal. C'est ça. Puis aussi, moi, je suis quelqu'un qui préfère vraiment les RPG. Donc, si en regardant quelqu'un y jouer, je me rends compte que la notion des RPG est pas assez importante pour moi, ça va peut-être être simplement un jeu qui est pas pour moi là, à ce moment-là, là. Donc, tu sais, il faut regarder aussi là, avec nos intérêts également. Parce que moi, ça m'est arrivé, là, il y a un jeu que je suis convaincue que c'est pour moi, puis je me l'achète, puis finalement, oh non, c'est pas pantoute qu'est-ce que je pensais, puis c'est pas pour moi pantoute, puis je suis vraiment mauvaise, là. Donc, sinon, moi, dans les jeux qui m'intéressent, comme j'ai mentionné tantôt, il y a Poochie et Yoshi's Woolly World que j'ai hâte de voir. Je l'ai fait sur Wii U, puis justement, j'ai pas terminé à 100% parce que j'avais pas nécessairement le temps de m'installer devant ma Wii U puis de focusser à 100% sur un jeu de console comme ça pour le faire. Sur une console mobile, j'ai vraiment hâte. C'est le genre que tu joues un petit peu, puis paf, tu peux faire autre chose. J'adore ça. En plus, non, juste pour le dire, finalement, j'ai précommandé juste pour avoir la petite peluche. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. J'ai vraiment hâte de voir. Je suis fan de la franchise, moi, depuis Yoshi Story au 64. Je suis fan de la franchise, donc c'est sûr et certain que j'aime ça. Il y a également Fire Emblem que j'ai essayé. C'est sûr que c'est tellement complet pour un jeu sur mobile. Je vous le recommande. Il est très plaisant. Il n'est pas aussi gourmand de la pile que j'aurais pensé, qu'est-ce qui est une bonne chose. Chose négative, par exemple, il requiert l'Internet ou le Wi-Fi constant pour y jouer. Donc, les gens qui le veulent, C'est pas une bonne idée. non, si tu veux y jouer dans le métro, tu peux pas, tu veux, en tout cas, fait que c'est plate un peu pour ça, mais... Dans le fond, c'est sur notre cellulaire, mais il faut y jouer quand on a beaucoup de temps. Mais sinon, c'est vraiment plaisant. Le visuel, il est très beau. Quand on joue, les personnages sont pas aussi détaillés. Ils sont en mode chibi, si on veut. C'est très bien fait. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les RPG tactiques, mais pourtant, il est assez le fun. Puis, il est assez accessible là, pour me permettre de jouer puis avoir du fun. Fait que je vous recommande quand même de l'essayer. C'est gratuit pour le moment, dans le sens que plus qu'on avance dans le jeu, on va atteindre un niveau où on n'aura pas le choix de débourser de la vraie argent pour y jouer. Mais jusqu'à maintenant, là, j'ai eu quand même 30 minutes de jeu de fait, là, même plus que ça, je dirais 1 heure. Puis j'ai pas eu à débourser encore. Donc c'est bien. Parfait. Moi, c'est ça, c'est un petit peu moins mon style. J'aime beaucoup plus les survivants, comme Ouais. par exemple là, le Resident Evil. Je capote, j'ai hâte d'y jouer. Les jeux dans ce style-là, je préfère ça personnellement, mais c'est quand même un jeu que visuellement a de l'air intéressant. Donc peut-être, il n'y a rien qui fait en sorte que je pourrais peut-être pas l'essayer. Peut-être je vais l'essayer. Tu m'as donné le goût d'aller voir un peu plus. J'avais regardé déjà le visuel quand ils en ont parti et quand ils en ont parlé récemment, justement. Nintendo en avait fait une annonce et tout, mais. J'ai quand même tenté le coup parce qu'il paraît que c'est gratuit, hein, on disait. Oui, c'est totalement gratuit, Android et iOS. Puis aussi, moi, je trouve que, sans nécessairement avoir joué des heures au Fire Emblem sur 3DS, je peux dire quand même que moi, ça m'intéressait pas les Fire Emblem sur 3DS parce que je trouvais que c'était trop léger comme jeu pour un 3DS. Dans le sens que, pour moi, c'est un jeu que je vais jouer de temps en temps, pas longtemps, puis tout ça. Mais je trouve que de l'appliquer sur un mobile comme un cellulaire, c'est parfait. Parce que là, parce que dans le fond, comment est-ce que ça fonctionne un Fire Emblem, c'est que tu as tes personnages, puis tu as un texte qui se déroule en dessous, que tu dois lire. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de lecture. Majoritairement, ces jeux-là sont uniquement en anglais également. Ça, c'est-à-dire aussi, là, les écritures du jeu sur cellulaire de Fire Emblem Heroes vont être en français. Si vous choisissez français, bien sûr. Mais le reste va être en anglais. Les voix que vous allez entendre, là, ça va être en anglais. Mais le contenu, il est uniquement écrit, comme dans les autres Fire Emblem. Donc, moi, sur 3DS, avoir beaucoup de textes à lire, puis de. Moi, j'aime. Sur 3DS, j'aime ça avoir un jeu comme un Mario, que tout est animé. Donc, de voir une succession d'images se parler, puis déplacer des personnages comme sur un échiquier. Sur une console portable, je trouvais que c'était un petit peu trop léger comme jeu. Donc, ça m'intéressait moins. Comme personnellement, je dis, je ne vais pas jouer un Tetris sur 3DS. Tu sais, je vais jouer un Tetris sur mobile. En tout cas, ça c'est sûr que c'est ma perception personnelle là, de comment ça fait. Mais je trouve que Fire Emblem sur mobile, c'est très à propos. Puis je trouve que le mix est très bien fait. Je vais l'essayer grâce à toi maintenant. Ouais, ben tant mieux. Puis tant qu'à parler aussi de Fire Emblem, je tiens à mentionner le fait que Animal Crossing sur mobile était censé être sortir également. Ils ont décidé de le repousser. Fait que c'est sûr que là, les fans d'Animal Crossing comme nous, on est comme déçus, là, Ça fait un petit mais. bout qu'il n'y a pas une nouveauté, à part l'update qu'ils ont fait avec celui qui est au 3DS, là, mais. Ouais, mais moi je soupçonne qu'ils le repoussent parce qu'ils veulent proposer Animal Crossing en même temps sur la Switch et sur mobile. Ah, ça pourrait être un bon point, surtout que la Switch va bientôt Ouais. sortir. Peut-être ils veulent encore travailler un peu plus dessus. Ben, je pense, parce que Animal Crossing est très long à faire, je sais pas trop pourquoi, mais c'est très long à faire. Puis on dit que le Animal Crossing sur mobile allait sortir à partir de mars 2017 jusqu'à décembre prochain. Donc là, moi je me demande, là, je pense que on a encore 6 mois à attendre, mais je pense qu'ils vont sortir les deux jeux en même temps. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Sinon, on arrive à notre partie de contenu sur les Sims. Donc, pour commencer, je sais que. Qu'est-ce que c'est pour toi, les Sims? Ça fait longtemps que c'est sur le marché, là. Ça va faire 17 ans, justement. Ouais. Et on s'entend que, comme tu nous donnais l'information, 50% de réduction à cause de Sims Anniversary. Profitez-en pour ceux qui sont pas certains ou ceux-là qui voulaient attendre pour certaines add-ons, pour certaines. J'ai oublié le mot en Ouais. français. Ben, ben là, moi, ouais, je vais mentionner, dans le fond, les packs accessoires n'ont jamais, jamais de solde. Donc, les packs accessoires sont à 10 $ chacun, puis ça, vous n'avez pas le choix, vous devez payer 10 $ pour les avoir. Sauf si, exemple, Origin fait une promotion de 10% Par sur, eux-mêmes, là, ouais. ouais, sur leurs produits. Mais il n'y aura jamais, jamais de promo sur les packs accessoires. Par contre, l'anniversaire des Sims, qui est en cours présentement, excusez-moi, propose, dans le fond, des soldes sur le jeu Sims de base, dans le fond, qui est à 19,99 $, qui est à 50% de rabais, qui est au lieu de 40 $, qui est à 20 $. Origine, excusez-moi, les Sims 4, mais Deluxe, la version Deluxe qui donne des petits contenus supplémentaires, là, des petits accessoires de fête, là, puis la bande sonore, est à 25 $ au lieu de 50. Donc, on a un 50% également. Ça vaut la peine pour les petits Oui, objectifs. et si, tout à fait. Et si vous avez les Sims de base, mais que vous voulez avoir de luxe, vous voulez vous upgrader, il y a un petit 33% de rabais sur la mise à jour, dans le fond, là, la mise à niveau, qui est 15 $ normalement, puis là, vous l'avez à 10 $. Donc, profitez-en pour ceux qui regrettent Oui. de ne pas avoir acheté cette édition-là. C'est ça. Puis sinon, on a également les packs d'expansion qui sont en rabais. Là, présentement, moi, je les ai, là. Fait que je peux pas vous dire le rabais. Je peux juste vous dire que on a la vie citadine, Get Together, Vivre ensemble, excusez-moi, et le travail, l'expansion sur le travail. Ben, qui s'appelle les Sims au travail, finalement. Il y a 50% de rabais minimum. Donc, comme là, je peux pas vous... comme je dis, je peux pas vous donner le prix exact, là. Mais vous êtes assuré d'avoir 50%. Ah oui, c'est ça. OK. Si je clique, je l'ai en détail. Donc, normalement, c'est 40 $. Vous l'avez maintenant à 20 $. Fait que là, pour le moment, tout est à 50% de rabais. Donc, les packs expansion qui sont à 40 $, vous allez les avoir à 20 $ si vous y allez présentement. Puis, j'ai l'impression que de nouveaux rabais vont s'ajouter et que c'est là pour durer parce que partout sur les médias sociaux, les Sims qui sont actifs, je tiens à préciser en français beaucoup et en anglais, on voit que les festivités sont là, là. Je suis en train de vérifier aussi les Sims 4 Vampires. Ceux-là, je ne les ai pas achetés. Puis il est à 19 $, donc il est considéré comme un pack d'objets. Non, les Sims Vampires, c'est un contenu additionnel. OK. Puis lui, il est à 20 $ tout le temps, ce que je vois. OK. Oui, dans le Il fond, n'y a plus de rabais, là. ouais, ben ok, les Sims, ils ont, dans le fond, le jeu de base, ils ont les packs expansion. Ça, les packs expansion, c'est les plus chers, c'est 40 $ normalement. Puis ça va englober souvent des actions que tu peux entreprendre, le travail ou des choses comme ça. Comme les appartements aussi, qui Oui, c'est rajoutent ça. des cartes. C'est ça. Ensuite, il va avoir les contenus additionnels. Ça va être comme le vampire, puis des choses comme ça. Ça, c'est 20 $ à la base. Puis ça, c'est considéré comme étant moins de contenu. Tu sais, comme exemple, là, dans les vampires, on a une carte avec 5 maisons. OK. Puis on a les attraits des vampires, c'est sûr, là, mais c'est juste une carte avec 5 maisons. C'est pas. Tandis que, par exemple, là, au travail, ben là, à ce moment-là, Ça apporte une jouabilité de plus, on peut Oui, dire. mais ça bonifie, dans le fond, toute ta partie au complet. Peu importe qu'est-ce que tu joues. Si tu joues un vampire, le disque additionnel du travail va t'aider, va être disponible. Donc, c'est ça, là, la nuance. Puis les kits d'objets, c'est tout simplement des kits d'objets. Exemple, le kit d'objets de cuisine, il va te donner une sorbetière. C'est tout simple que ça. C'est quel toi ton préféré? Je tiens à dire que les restaurants, ouais, ça serait mon préféré. Les vampires, il est très intéressant également, mais il est nouveau encore. Fait que je peux comme pas. J'hésite là à le mettre là, comme étant mon top 1, là. Mais les restaurants, c'est une addition que j'adore, qu'il n'y avait pas dans les autres Sims. Moi, celui-là que j'aime beaucoup, c'est City Living, celui où on peut maintenant louer des appartements. Parce qu'on Ouais. ajoute encore plus. Il me semble que mon personnage avant ne pouvait pas travailler dans les réseaux sociaux. C'est peut-être moi aussi qui n'avais jamais remarqué. Mais j'aimais ça. Genre, je l'ai fait streamer. Puis là, j'ai été au geek, au festival geek de la ville. Puis là, streamer sur une grosse écran. Fou, le monde. Des gens costumés. Moi, je sais pas. C'est des petites choses que j'ai préférées. J'ai aussi aimé celui au travail. Mais je me sens comme si, pendant que je joue avec ce Sims-là, pour l'aider dans son travail, mon autre Sims, c'est comme. Je peux rien faire avec pendant ce temps-là. Moi, personnellement, je trouve ça super cool, je trouve ça super bien. Mais on dirait que j'aime ça jouer toutes mes Sims en même temps. Ouais. Je sais pas. Ben, ça a toujours été comme ça, comme dans les Sims au travail. Honnêtement, si tu choisis un des trois travails proposés dans l'expansion des Sims au travail, c'est un petit peu difficile d'avoir une vie de couple ou sinon, Ouais. moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que dans mon couple de Sims, il va y avoir un Sim qui travaille pas. Donc, il va s'occuper de la maison, il va s'occuper s'il y a des enfants, des choses comme ça, parce que là, à ce moment-là, nous, on est tout le temps. Amener là, à nous occuper de notre Sim en tout temps. Puis là, paf, on se rend compte que là, finalement, c'est rendu des personnes âgées, là. Puis, tu sais, on n'a Ben c'est comme pas eu le temps de justement, jouer. prends-tu dans ma game, qu'est-ce que j'avais fait si j'avais fait apprendre Ouais. la guitare, puis aller dans les rues, jouer de la guitare, puis ramasser le type. Et je me dis, bon, au moins il est capable de s'occuper des enfants avant leur mort. Mais, Ouais. oh, excuse-moi, ça m'a vraiment traumatisée. Je sais pas, vous, justement, qui écoutez le podcast, si ça vous est déjà arrivé. Kathleen parlait plus tôt que les Sims posaient des questions sur les game over. C'est-à-dire, quand est-ce que le jeu a fait en sorte que tu peux plus jouer avec tes personnages? Puis ça m'est arrivé justement récemment. J'aurais jamais pensé que ma partie se termine comme ça. Ouais, ben, que, ça, je sais pas si c'est une fonction qui a uniquement dans les Sims 4. Je me souviens, moi, je l'ai jamais vécu dans les autres Sims d'avoir une partie game over. Je sais pas si c'est une addition que ils ont fait pour les 4. Je sais que, tu sais, on peut mourir, là. Mais, puis je sais que normalement, dans les Sims 3, qu'est-ce qui était fréquent, c'était que tes Sims mouraient de vieillesse, en fait. Ben justement, juste pour les mettre dans le concept, justement dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé de mon côté, c'est que Oui. j'avais fait une famille, c'est-à-dire moi puis mon chum, puis on tripait, c'était vraiment le fun. Ça m'a pris genre 2 heures à créer ma famille, puis je savais pas, comme tu m'as donné l'information, ma soeur aussi me l'a donné plus tard, qu'on pouvait descendre l'option de la Oui. jouabilité de leur vie, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils restent en vie plus longtemps, ou tout simplement pas les faire mourir. Donc moi je voyais mes personnages vieillir, j'étais comme « Ok, donc Francis commence à être vieux », je vais leur faire faire des enfants. Ben, je me suis décidée de faire un enfant, puis on a adopté un autre, mais mon personnage aussi est devenu vieux. Puis je dirais, là, même pas 2 semaines après, en termes de jeu, Ouais. la mort est arrivée, Francis est mort. Pas longtemps après, mon personnage à moi est mort, donc plus d'azur dans la maison. Seulement que ma fille, qui était une enfant, et ben, enfant, même pas encore ado, je dirais. Et justement, les toddlers, qui est maintenant les bambins, qui est maintenant. De retour dans le jeu, ça m'a donné aussi à la fin comme message d'erreur que maintenant les parents sont décédés, donc il n'y avait personne pour pouvoir s'occuper des enfants, ce qui a fait en sorte que ma game était maintenant terminée. Donc, quand j'appuie sur mon appartement où est-ce que j'avais loué, je vois mes meubles, tout est là, mais il n'y a plus personne qui habite là, puis mes personnages sont plus nulle part là. Et là, j'étais comme, what? J'ai-tu joué ce temps-là pour ça? Ça m'a un petit peu Ouais. fâchée, je t'avoue. Non, c'est ça, c'est dommage. C'est une particularité que on a maintenant avec les Sims 4. Dans le fond, il nous est possible de stopper le vieillissement. Dans le sens, quand on a des projets ou des choses comme ça, on peut. Parce que, tu sais, ça arrive. Moi, personnellement, je suis du genre à avoir ma famille, puis à vouloir bien cerner, puis tout ça, mes objectifs, puis mes actions. Fait que je vais vivre dans ce moment-là assez longtemps. Mais à l'origine, les Sims sont faits pour être joués que on doit se dépêcher parce qu'on joue nos premiers Sims qu'on crée sont faits pour mourir très vite parce que c'est fait pour générer les enfants, dans le fond, que c'est eux qui vont être notre vraie partie par la suite. Donc, puis la majorité des gens qui vont jouer beaucoup, beaucoup aux Sims vont jouer comme jusqu'à plusieurs générations. Oui. Puis c'est comme ça que, dans le fond, tu sais, tu vas peaufiner, puis tu vas faire ta famille, dans le fond, ta généalogie de tes Sims. C'est rare que les fans là, de la première heure des Sims vont jouer avec les Sims qu'on fait dans Create a Sims. Donc, Il y a aussi certaines personnes aussi qui essaient de se rendre, par exemple, à 100 bébés, Des trucs spéciaux, on peut voir sur YouTube aussi, il y a des vidéos Ouais. spéciales. Leur but, c'est d'avoir 100 bébés, c'est-à-dire leur personnage adulte fait un bébé, qui grandit, qui fait un bébé, mais 100 fois, là. Ouais. Ben, c'est. Mais à l'origine, le jeu, pour les gens qui jouent depuis le 1, là, le jeu il est fait pour que tu ne joues pas des Sims générés par le jeu. Que tu joues tes Sims que à toi qui sont là parce que c'est des descendants, des descendants. Donc, on peut comprendre un petit peu l'aspect du game over ou l'aspect que ça vieillit vite puis ça change vite. Par exemple, là, qu'est-ce qui est plate, c'est que souvent, moi, ça m'était arrivé, surtout dans les Sims 3, mes personnages, là, du jour au lendemain, étaient vieux. T'sais, puis pour vous donner une idée, là, quand on joue à la vraie vitesse des Sims, le Sim devient adulte. Le temps d'avoir un travail normal, là, t'sais, qui est comme plus au salaire minimum, puis qui est plus 2 jours semaine, là, mon Sim était une personne âgée, là. T'sais, là, tu dis, ben là, j'ai même pas pu masterer mon emploi. Moi, je me suis rendue environ aux trois quarts parce que j'avais été chanceuse. Parce que, comme je dis, Francis, j'avais fait en sorte qu'il joue de la guitare, mais j'ai décidé de l'envoyer plus tard musicien. Mais vu qu'il avait déjà toutes ses skills nécessaires, tous les trucs qu'il avait besoin, il était déjà à un niveau qui était assez haut. Donc, ça, c'était promotion, promotion, promotion tout le temps. Mais il a quand même pas eu le temps de se rendre au maximum, là. Ben, ouais, c'est ça. C'est pour ça que l'option qu'ils ont rajoutée dans les Sims 4 est très intéressante. Dans le fond, on va dans les paramètres du jeu. C'est tout simple que ça. Puis on coche, voyons, vieillissement automatique, on le décoche. Donc, le Sims ne vieillit pas, tout simplement. Puis aussi, on peut ralentir le vieillissement. Ça, c'est si que tu veux quand même exploiter là, tous les âges de tes Sims. Tu peux, mais c'est ça. Je voulais savoir, toi, tu as joué aussi à celui où est-ce qu'on vit dans des appartements. Est-ce que tu t'entends bien avec tes voisins? Ou c'est juste moi qui a des voisins spéciaux, là? Ben, moi, c'est simple, parce que moi, quand je joue aux Sims, je fais la commande Motoload et je me prends un appartement de luxe. Sérieux, moi j'ai fait d'y aller là du début. Là je regardais, hey, comme tu disais justement, mes Sims avaient joué, j'avais joué longtemps avec eux, puis à la fin ils étaient même pas capables d'avoir encore un appartement de luxe. Là. En termes de temps, malgré le fait que Ouais. j'ai beaucoup beaucoup travaillé, ils ont eu des enfants, ça leur a coûté des petits coups. Enfin, ils ont fini avec 15 000 $ dans leur banque. Là. Ouh, on s'entend que Ben, c'est pas. ouais, mais moi, souvent, ma façon de jouer, c'est que je mets assez d'argent dans le compte de mes Sims pour être capable de modeler la maison de la façon que je le veux parce que j'ai pas un intérêt flagrant là, pour construire de zéro une habitation. Oh, moi j'aime Non. ça, là, des petites maisons campagnardes avec des coques partout, puis des murs jaunes, là, puis un peu campagnard. Ben, en tout cas, pas moi. Fait qu'est-ce que je fais, c'est que j'aime prendre la maison qui est déjà là, puis j'aime la transformer à mon goût. Moi, c'est ce que j'aime faire. Puis pour ça, ben, on n'a pas le choix d'avoir des sous, là. Donc, Rénovation. ouais, c'est ça. Moi, je suis plus rénovation que construction. Donc, c'est pour ça, là, qu'à ce moment-là, moi, je vais plus y aller, puis j'ai déjà l'argent. Aussi, j'aime beaucoup avec mes Sims qui achètent puis qui gèrent des commerces. Ah, oh, ça, j'ai même pas encore essayé. Ouais, moi j'aime ça beaucoup. Donc, tu peux pas acheter puis gérer des commerces, t'as pas d'argent. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, il y a des choses comme ça. Puis, tu sais, je me suis prise récemment le disque additionnel de camping. Tu sais, je voulais voir c'était quoi. Fait que là, tu sais, moi je suis plus dans la phase que j'aime explorer puis j'aime voir mes choses. C'est sûr qu'il y a rien qui empêche de faire une partie de base, là, comme on dit. Mais souvent, j'aime quand même exploiter toutes les parcelles là, de mon jeu, là. Parce que je me dis, je trouve ça plate, t'as les extensions, mais tu peux même pas t'en servir parce que tes Sims n'ont pas assez d'argent ou ils peuvent pas prendre de congé parce qu'il faut qu'ils payent leurs factures. Fait que tu peux pas exploiter tout le contenu de ton jeu. T'sais, je trouve ça dommage. Peut-être aussi d'où pourquoi ils ont rajouté l'option pour pouvoir faire en sorte que tes Sims ne meurent jamais ou que ça C'est prenne plus de ça. délai. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a que. Parce que dans le fond, les Sims, tu fais qu'est-ce que tu veux avec ce jeu-là? Si, moi, qu'est-ce que j'en fais? C'est que je veux explorer je veux explorer tout, puis je veux voir de quoi ça a l'air. Mais il y en a que c'est ils veulent faire leur fortune par eux-mêmes. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai rien contre ça. Chacun joue à sa façon, là. Moi, ce qui me faisait rire aussi, c'est qu'au début, il y avait vraiment, mais vraiment pas de customization. C'est-à-dire qu'on pouvait pas modifier à 100% nos personnages. On avait quoi? Trois, quatre sortes de têtes, trois, quatre sortes de corps, etc. dans le premier. Le Ouais. deuxième, il en rajoute un peu plus. Le troisième, on peut vraiment tout changer, autant la racine Ouais. des cheveux. Puis le quatrième, c'est un petit peu Et moins, ouais. hein? Ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans les Sims 3, on pouvait tellement tout customiser, puis on avait tellement, tellement, tellement de contenu qu'il fallait des ordinateurs de la mort pour être capable de jouer les Sims 3. Puis là, ça rendait le jeu plus nécessairement accessible à la majorité des gens. Donc, ils ont décidé de le faire un petit peu plus cartoon, puis de réduire les contenus. Parce que dans le fond, moi, étant la fan des Sims 3, je pensais que les Sims 4 allaient me proposer deux fois ce que j'ai eu dans les Sims 3. Moi aussi, c'est ça que C'est. je pensais. Je capotais, je trouvais même pas ma racine. Je vais mettre le foncé en haut, le plus pâle en bas. Non, tout Ouais. gris. Ben oui. Mais tu sais, c'est comme ça parce que c'était rendu à un point où ce que les gens n'étaient plus capables de jouer aux Sims 3 sans avoir un ordi démentiel. Puis, ils ont décidé de rendre ça plus accessible. Qu'est-ce que je peux comprendre? Parce que la majorité aussi des gens qui vont jouer aux Sims, c'est des gens qui sont pas nécessairement dans les jeux ou les ordinateurs. Donc, tu sais, je comprends que quelqu'un veut jouer aux Sims avec un ordinateur normal, là. Donc, c'est un choix qui est intéressant. Par exemple, qu'est-ce qui est décevant, c'est que près de 2 ans et plus après la sortie des Sims 4, il y a encore des expansions qu'on n'a pas, qu'on trouve très dommage. Justement, récemment avec les bambins, ça a été un gros plus. Pas besoin de l'acheter Ouais. en plus. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui manquait, je trouve, honnêtement. Tu sais, au début, j'ai un enfant, mais c'est un bébé. Puis, à vos primaires, elle est déjà à l'école, elle. J'étais comme. Il Ouais, manque. elle passe la couche à l'école. Ben oui, là. Puis en plus, on est habitué d'avoir à apprendre à notre enfant à parler, à manger, à aller Ouais. au petit pot, des petites choses du genre qui sont importantes dans le développement d'enfants, puis qui en plus influencent leurs caractéristiques. S'il est heureux, ça va être plus facile à apprendre, etc. Là, c'était Ouais. trop vite, trop rapide pour moi. Puis ça, je trouve que c'est un gros plus qui est vraiment intéressant. Puis qui touche vraiment la vie de tous nos Sims. C'est pas juste ah, oh, moi, j'aime juste construire. Ou ah, oh, moi, comme par exemple, quand tu dis l'achat des buildings que j'ai jamais fait, l'achat des Ouais. compagnies. Tu sais, je veux dire, par exemple, un enfant, c'est quelque chose que tout le monde va utiliser et qui, en plus, est gratuit. Je trouve que c'est un beau cadeau. En même temps, en plus que la nouvelle. L'expansion, comme on dit, de vampires, qui, peut-être, les gens étaient un peu moins prêts à avoir ce type de contenu-là quand il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus attendus, comme celui des bambins. Les deux, en même temps, je trouve que c'est un bon geste de leur part. Ouais. Ben aussi qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que dans les autres Sims, les bambins venaient de base. Donc, c'est sûr que là, il n'y avait comme pas le choix. Tu sais, s'il avait fait payer pour les bambins, ça aurait été le bout, là. Sinon, pour ce qui est des vampires, ça, je suis d'accord aussi. Par exemple, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les Sims nous ont arrivé une journée, puis nous ont dit « Demain, là, on va faire une annonce, là, puis on va annoncer les Sims, une nouvelle expansion. » Ben finalement, c'est un disque additionnel, c'est pas une expansion, là. Bon. Fait que là, puis ils nous montraient des vidéos. Fait que là, on s'est tous dit « Mon Dieu, mais c'est juste les vampires. » Quand ils ont fait l'annonce, dans le fond, la journée qu'ils ont fait l'annonce officielle, c'était 2 semaines plus tard, c'était pour nous annoncer que 2 semaines plus tard, on allait pouvoir l'acheter. L'affaire, c'est que dans les autres Sims, les Sims proposaient un contenu supplémentaire de surnaturel. Fait qu'à ce moment-là, on avait une fille, notre Sims pouvait être une fille, pouvait être une sorcière, pouvait être un loup-garou, un Il y vampire, avait beaucoup plus de choix, là. puis un fantôme. Ouais, il pouvait être ces affaires-là. Fait que quand tu créais un Sims, tu avais ces options-là. Tu avais aussi beaucoup plus de vêtements, de cheveux. Puis ton Sim se ramassait avec des attributs de plus. Puis je pense que la plus complète, c'était la sorcière. Dans le fond, tu pouvais faire des sorts, donc ça te donnait des compétences puis un métier de plus. Mais OK. ça restait, c'était comme ça. Fait que là, nous, en tant que fans, on se dit, OK, ça va être la même chose, mais ils vont juste nous vendre le vampire. Tu sais, c'est de la chenoute. Pour le prix en plus, là. Oui, mais c'est 20 $ quand même. Dans les Sims 3, c'était un disque additionnel à 40 $. Là, C'est quand on même est. la moitié prix, mais il faut dire que quand même, t'as quand même pas tant que ça de. Ben, Ah, c'est ça va être ça. 20 $. Ben c'est ça. Là, quand j'ai découvert, moi, je l'ai acheté, j'ai chialé, puis je l'ai acheté. C'est différent, dans le sens que on est un vampire, puis je comprends parce que dans le fond, ils nous font choisir. Tu sais, moi, mettons, si j'aime plus les vampires, je vais jouer plus un vampire qu'un autre. Mais là, dans le fond, le vampire, ton Sims, tu crées un Sims qui est un vampire, t'as deux fonctions en plus, tu fais deux Sims, il y a la forme sombre puis la forme normale. Puis après ça, aussi, le Sims est un vampire, mais il faut qu'il apprenne à être vampire. Okay. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que t'as des quêtes à C'est faire. pas du jour au lendemain, là. Non, non, non, Puis non, c'est non. du sang Ben... qui pousse, puis comme oh, j'ai faim de manger du sang, j'ai soif. Ben, c'est ça, mais c'est ça, dans le sens que t'as une quête. Il faut vraiment que t'as des objectifs à accomplir, t'as des niveaux à atteindre. Faut que tu... Parce que dans le fond, le Sims, c'est un vampire, mais il connaît absolument rien, là. Il est vampire du jour au lendemain, puis il connaît rien là-dedans. Donc, il doit se découvrir, puis vivre la vie au travers de ça. Puis là, automatiquement, ça y fait des amis qui sont vampires, qui l'aident là-dedans. C'est super intéressant, puis ça amène une jouabilité qui est très longue, puis On qui est très le fun. dirait aussi que c'est apporté de façon humoristique, comme t'en parles. Ah oui, parce que c'est des Sims, c'est sûr, c'est drôle, là. Mais oui, puis dans le fond, ça nous donne une carte de plus qui a quatre maisons, quatre ou cinq maisons. Puis il y a le vampire suprême qui est là. Après ça, il y a des petits amis vampires. Puis là, t'apprends. Tu sais, il faut que tu ailles fouiller sur Internet, il faut que tu lis des livres. Puis il y a beaucoup d'options de plus, là. Il y a tout qu'est-ce qui est l'univers, puis les accessoires gothiques, un peu. Fait que ça, c'est très intéressant. T'as des nouvelles fonctions aussi. Puis t'as aussi des nouvelles fonctions sur les humains. Ça, c'est très intéressant. Puis c'est très différent des Sims 3. Mais les gens avaient peur au début, puis c'est normal parce que les Sims nous l'ont pas dit. Nous ont catapultés là-dedans. Vous avez telle affaire, mais on vous dit pas qu'est-ce que vous allez faire dedans, là. C'est ça, parce que on a tout le temps eu les Sims vampires, puis là, on se dit, bon, puis ils nous disent même pas que c'est nouveau, ils nous disent, tu sais, fait que c'est pour ça que là, à ce moment-là, c'était choquant, mais je peux comprendre dans quelle direction où ce qu'ils s'en vont. Aussi, qu'est-ce qui est étonnant un petit peu, c'est que on peut pas non plus précommander. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il y a un contenu qui sort, là, tout le monde se rue dans le store d'origine, puis là, ça bug, puis tu peux pas acheter, tu peux pas télécharger, tu peux pas... Tu sais, fait que là, ça y a des... C'est ça qui est dommage, parce que les autres compagnies, quand tu achètes en ligne, il est pré-téléchargé, puis à l'heure disponible, il est disponible à jouer. Les Sims ne fonctionnent pas comme ça. Donc c'est ça. Je comprends. Mais je le recommande énormément. C'est sûr, ça va être quelque chose aussi à essayer. Comme là, ce serait quand même pas, dans tous les choix qu'il y a actuellement sur le marché, ce serait peut-être pas un de mes premiers, mais si un jour je l'aurais essayé, j'aimerais bien ça. Mais par contre, je vais te dire honnêtement, il y en a un que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir, puis c'est celui avec les animaux. Je veux dire, dans toutes les Sims, c'est là Oui. toujours, toujours, toujours, puis on dirait que celui-là, il est pas encore là. On s'entend que Ben. les animaux, de plus en plus, ça occupe une place importante dans nos vies, là. On a besoin de notre petit animal avec nous, là, dans notre famille. Mais c'est comme normalement, là, les saisons dans les Sims, Aussi. ça a toujours été le dernier à sortir. Puis c'est quelque chose que personne comprend. Parce que tu veux tes saisons au début. Puis sérieux, je sais même pas si on va avoir les saisons dans les Sims. Parce que on peut même pas sortir dehors ben, ben dans les Sims. Tu sais, dans les Sims 3, là, tu pouvais avoir une voiture, tu pouvais te promener sur le bord de la rue, tu pouvais là, partir avec ton bébé là, en poussette, là, puis aller te promener, puis aller loin avec, puis tu sais, c'était vraiment le fun, tu pouvais explorer l'extérieur. Mais là, dans les Sims 4, c'est des instances, tu vas de quelque part à quelque part, puis ça load, puis tout ça. Fait que c'est vraiment là, on peut regarder les Sims 1 à 3 comme étant une continuité, mais les Sims 4, c'est vraiment nouveau, nouveau, nouveau. C'est vraiment autre chose. Ben c'est sûr, aussi, ça va être quelque chose qui va être à voir aussi, parce que là, il nous arrive avec des surprises, comme celui avec les métiers. Est-ce qu'il y en avait déjà eu un dans le passé? Oui. Ah oui, puis il y en avait beaucoup plus, OK. mais il y avait deux ou trois métiers, genre vraiment, vraiment, là. Ben, c'était comme lui, dans le fond. Tu avais trois métiers vraiment importants. Tu avais scientifique, médecin, puis je sais pas trop lequel. Ouais. Puis les autres, c'était des métiers que tu pouvais faire dans la vie tous les jours, là. Moi, mon Sims, dans les Sims 3, il était souvent designer de mode. Non, il était Ouais, styliste. gentille secrète. Mais il était styliste parce que c'était le fun, parce que là, t'as des Sims qui viennent te voir, puis tu peux toutes les habiller comme tu veux. Ça, j'étais même pas. Fait... Oui, dans les Sims 3, c'était ça. Fait que là, c'était super le fun. Puis là, t'avais spoté un Sims qui s'habillait vraiment mal. Puis là, t'étais comme, bon, finalement, je peux l'habiller. Au fond, t'étais l'agent Héroldi des Sims. Tout à fait. Des contraventions, là, toi, tu connaissais ça. Ben, c'est ça. Puis c'était un mini emploi dans le sens que, tu sais, tu recevais un appel puis tu le prenais ou pas. Tandis que les emplois comme scientifiques, là, c'était vraiment que là, ça débloquait plein de nouvelles choses. Après ça, ton Sims, il passait toute la journée à être scientifique, puis là, tu faisais des quêtes de scientifiques. Comme tu fais présentement dans les Sims emploi, là, t'as, voyons, policier, médecin, et comment qu'on dit voyons propriétaire là, de boutique. Fait que ça c'est des gros emplois là, qui prennent toute ton chose, mais dans les autres Sims t'avais des mini emplois si tu veux là, t'en avais plusieurs là, qui apparaissaient là. Comme là moi j'ai choisi policier, je dois aller dans les maisons des autres trouver les cambrioleurs avec j'ai la difficulté. Ils me disent d'essayer de trouver la Sims qui correspond à ce qu'ils me donnent comme information. Au début, là, je savais pas qu'il y avait un calepin dans mon cellulaire, c'est écrit nulle part. Là, j'étais comme, oh my god, je capotais. Là. J'avais vécu que j'avais fui en prison, puis là, elle était pas contente parce que je voulais l'envoyer en prison. Là. Et des fois, je créais des batailles entre des Sims, là, j'essayais de les arrêter. Non, je suis pas la meilleure policière, je te dirais. J'ai lâché ça pour aller travailler pour les réseaux sociaux. C'était moins dangereux. Ouais, t'as bien fait. T'as bien fait, c'est une bonne idée. Mais sinon, toi, t'as-tu un anecdote là, dans les Sims qui fait que. T'adores ça ou que tu vas t'en souvenir tout le temps? Ben, moi, honnêtement, un des trucs que je vais me souvenir le plus, c'est niaiseux, mais c'est le fucking, excusez-moi de l'expression, le sac de chips dans le Sims 1 qui restait par terre ou à côté, puis que là, les mouches arrivaient, puis t'entendais bzzz, c'était pas enlevable dans le temps. C'était un bug du jeu, je sais pas si tu l'as déjà eu, va voir là, sur Google, là. Oh, y a plein de monde qui l'avait, là. Le sac de chips restait collé, mais c'est parce que dans le temps, il y avait des mouches qui arrivaient, puis tu l'entendais toujours en arrière-plan. Même avec Move Object On, des fois ça buguait, j'étais comme, oh my god. Ça, c'est mais un... t'as juste à pas manger de chips? Ouais, c'est ça, ça va leur apprendre. Mais tu sais, dans le temps, dans les Sims 1, avec les snacks, t'avais pas grand-chose. Hein. Ah, ok, ouais. Mais c'est juste pour dire, ça, c'était quelque chose qui m'avait outré. Mais sinon, j'aimais beaucoup ça, parce que j'aime beaucoup, moi, la construction de maisons. Je faisais des petites maisons, vraiment, comme je disais, campagnarde un peu, là. C'était vraiment des choses que j'aimais. J'aime beaucoup aussi avec les animaux, parce qu'il y avait l'option de pouvoir avoir le plus d'animaux possible, m'occuper de tous mes animaux. C'est quelque chose que je m'ennuie beaucoup. Que j'appréciais aussi parce qu'à défaut d'en avoir plus dans la vraie vie, même si j'en ai beaucoup, ben, j'avais mes autres petites bêtes dans le jeu, ils pouvaient se reproduire. C'était vraiment cute, j'aimais beaucoup ça. Sinon aussi, ce que j'aime, c'est de voir comment mes personnages, j'essaie de les faire vraiment réalistiques à moi, genre utiliser des traits de caractère qui me ressemblent, ainsi que puis des autres que je connais. Fait que je regarde interagir par eux-mêmes. C'est des choses qui me font bien rire, parce que, comme par exemple, moi, m'en allais pas là, je ferais jamais ça de ma vie, là. Ouais. C'est des petites choses comme ça que j'aime voir aussi, puis c'est assez fantaisie. Ça nous fait rêver, puis c'est drôle. Puis c'est un jeu qui est vraiment le fun pour ça, qui est pas trop compliqué, qui est relax, que... On n'a pas à se casser la tête, à part quand tes personnages meurent toutes de façon âgée et que ouais, t'es... Ouais, en même temps, là. Ouais. Maintenant, avec les options qu'on a appris qu'on pouvait retirer l'âge des Sims, etc., ça va être quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant si je veux du long terme avec les Sims que j'ai actuellement. Ouais. Moi, de mon côté, c'était dans les Sims 3. Moi, je savais pas. C'était au début quand j'ai commencé à jouer. Parce qu'il y a ça aussi, les Sims 4 sont beaucoup plus faciles à jouer que les Sims 3. Moi, je fais ma maison. Puis là, là, il y a une petite musique la nuit, c'est la nuit. Oh non, pas les cambrioleurs! Oui! Oh my god, mais... eux m'ont troublé là! Oh! Mais l'affaire, c'est que là, tes Sims dorment, puis là, le temps, il arrête d'accélérer, puis là, t'entends une petite musique, là. Oh my god! Puis là, j'étais là, OK, c'est quoi ça? Tu sais, moi, je connais pas ça du tout, là. C'est la première fois que ça m'arrive. Puis là, je vois un mime apparaître. Oh my god, le mime à cause qu'il est rayé. Oui, mais ça, il a vraiment l'air d'un mime, OK? Il a un chandail rayé, là, blanc et noir, puis là, il a un petit béret, puis il a un petit masque là, de raton laveur. Puis là, il se promène, là, puis là, il fait des mouvements de mime. Ouais. Puis là, il sort un aspirateur, puis là, oui, il se met à aspirer, genre, tout mon stock. Oh my puis god. Puis là, mon sim, il est genre super comme... brave, courageux, puis tout ça. Puis genre, ma Simette, elle, là, elle est normale, mais elle se met à crier comme une folle. Oh Puis my là, God. la police, elle arrive. T'avais mis au moins un système d'alarme, là. Non, c'est pour ça qu'il est venu, je le savais pas. Fait que là, la police arrive, puis là, c'est mon sim gars qui s'en va comme péter la gueule au cambrioleur. Puis là, le cambrioleur, il s'en va tout péteux, là, tout piteux, là, devant le policier. Puis là, le policier fait genre, on s'excuse, on n'a pas pu l'attraper, il était trop rapide. Il était en face. Non, c'est ça, c'était ridicule, j'étais tellement fâchée. Puis, après ça, dans un autre parti que j'ai fait, j'étais dans mon appartement, puis j'avais un système d'alarme, mais ils ont passé par le garage, parce que dans le fond, j'avais pas de système d'alarme dans le garage. Puis c'est mon petit chien qui est allé l'attaquer. C'était vraiment mignon. Puis, Oui. mais sinon, là, mon autre affaire, vraiment des beaux moments, là, c'était, j'avais, ben, beaux moments. J'avais, moi, j'ai adoré l'expansion à université dans les Sims. Trois, ça c'était vraiment là, mon truc. Mes Sims étaient tout à l'université, puis tu sais, genre, on avait vraiment du fun. Puis, moi, ma Simette, elle vivait sur le campus, dans une maison, Fraternité? ouais, dans une fraternité de filles, de luxe, là. Fait que c'était genre une maison de fraternité qui avait comme 5 chambres à coucher uniquement. Puis, il y avait un foyer dans ma chambre. Ben, je m'étais mis un Oh foyer dans ma non! chambre. Mais moi, je le savais pas. Tu pognes un Mais, feu! oui! Parce que moi, j'allumais mon foyer pour dormir. Je me disais, ça fait du bien de dormir avec juste la lumière du foyer. Oui, avec le petit doigt dans les airs, toute fancy, Ouais. Fait que là, ma Simette, elle se lève ensuite, puis elle s'en va à ses cours. À la minute qu'elle ferme la porte, le feu pogne. là. My God, quand t'es parti en plus! Oui! À minute. Puis là, c'est là j'avais demandé à des amis, puis mes amis m'ont dit, oui, à minute que dans les Sims 3, à minute qu'il n'y a pas de Sims dans la pièce, puis qu'il y a un foyer, le foyer pogne en feu. C'est Non. sûr qu'il y a un incendie. Fait que là, elle ferme la porte, puis le feu pogne. Là, je suis comme, ben voyons. Fait, mais là, c'était pas super si parce que moi, je faisais juste cliquer pour remplacer le foyer, là, je m'en foutais. Mais là, dans le premier étage, qui était le salon, la salle à manger, cuisine, c'était la même chose. Ça l'a Là, payé là aussi? oui, mais là, le feu est pogné. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le feu pogne au premier étage, puis toutes les autres cimes de la fraternité décident de se foutre dans le feu. Oh my God! Elles sont toutes mortes. N'importe quoi, fait que là, t'étais la seule survivante. Ben oui, ben non, là, parce que là, il y en a qui étaient quand même capables de les asperger, parce que dans le fond, tu viens avec l'option d'éteindre le feu avec un extincteur, mais là, des fois, ça marche pas, des fois, ton Sims, il est juste trop mauvais. En tout cas, mais non, là, j'étais juste, c'était vraiment drôle, puis je trouve ça dommage qu'ils aient enlevé ça, dans le sens que, tu sais, maintenant, les feux de foyer, ils font rien, là, t'as beau le laisser allumer tout le temps, puis ça C'est pas dérange pas. aussi dangereux pour nos personnages. Non, c'est Dans le ça temps qui est... aussi, on peut les mettre dans la piscine, on enlève les poignées pour sortir, puis il était comme, oh non, je vais mourir. Ben On ça, n'est je sais pas pas si ça sauvés. fait encore. Je sais pas si ça le fait Je encore, fais par même plus de exemple. piscine, je vais te dire. Au début, c'était le fun, mais plus là. J'ai plus de code, là, fait que c'est trop cher. Ben, les codes n'ont pas changé, en fait. Ouais, mais je veux dire, je les utilise plus, fait que là, je suis Ouais. comme, ah, ça vaut-tu vraiment la peine une piscine? Mais... ben, c'est ça. Je pense que ça fait le tour de notre survol sur les Sims, sur le spécial, sur la franchise des Sims, qui ont 17 ans, on le répète. GG les Sims! Maison. Hein. Puis tu sais, c'est comme le jeu que tout le monde a déjà joué une fois dans sa vie, en plus, là. C'est C'est sûr, là. tout le Qui a jamais. monde. Même les plus bad boys. Les personnes Ouais. les plus bad boys ont au moins joué une fois. Ouais, ça, c'est vrai. Puis en terminant, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire de geek le mois prochain, toi, Anne? Ben, moi, il y a deux. Ben, il y a deux choses. Le mois prochain, je te dirais, je vais aller, comme j'ai parlé, un petit Ben, au mois de rappel, là, février. Ouais, on va au dire. LAM ETS 6. C'est à la place Bonaventure, entre Oui. le 10 et le 12 février. Il y a des compétitions de jeux vidéo, il y a des LAN, il y a tout plein de trucs. Il va même y avoir, comme j'avais précisé, Wanapash CG et Epic Joystick qui vont faire un podcast sur la scène. Ça va être vraiment intéressant pour que tout le monde se voit, tout le monde en profite, on game ensemble. Moi, j'ai hâte d'y aller. Ouais, il va te savoir des vedettes. Oui, par exemple, j'ai oublié son nom, mais c'est un des meilleurs joueurs de Smash Bros. Qui est européen, qui est Swedish, je me trompe pas, je m'avance un petit peu. Je vais pouvoir te le dire rapidement pendant que toi, au pire, dis-moi qu'est-ce que tu vas faire cette semaine. Je vais faire ma petite recherche puis je vais te dire ça après. Ouais, ben, moi, mon mois de février va être, excusez, il va être focus sur mes mangas de Naruto. Moi, j'étais une très grande fan des mangas Naruto, puis je les lisais dans le fond quand ils sortaient. Puis c'est avéré que j'ai pris du retard, puis que finalement j'ai perdu le fil totalement. Parce que moi, dans le fond, je les lis quand ils sortent en manga papier, en français. Moi, c'est comme ça que je les lis. Donc là, j'avais perdu le fil complètement. J'avais tout ça. Puis là, la série des mangas, ben, dans le fond, la série de Naruto, s'est terminée en novembre dernier, en novembre 2016. Donc là, à ce moment-là, si on lit tous les Naruto, dans le fond, là, on les a toutes, la série est complète. Là, le mangaka, il a sorti une nouvelle série qui s'appelle Naruto Gaiden. Ça, à ce moment-là, c'est. Parce que dans le fond, Naruto, ça suit. Naruto, c'est un shonen manga. Ça, dans le fond, c'est un manga qui s'adresse aux jeunes garçons. Aux garçons, ben, dans le fond, garçons, dans le sens que de 8 à 12 ans environ. Donc, quand on commence à lire Naruto, on a 8 à 12 ans. Puis on grandit avec Naruto. Puis là, Naruto, dans le fond, arrivé en novembre 2016, Naruto a notre âge, il a la fin vingtaine. Donc, techniquement, ce n'est plus un shonen. Puis aussi, ben, à un moment donné, il faut que son histoire se termine. Donc là, l'histoire est terminée. Naruto est un adulte, il a sa famille. Les Naruto Gaiden, c'est l'histoire de Naruto adulte, dans le fond, et des autres personnages qui sont maintenant des adultes. Donc pour les fans qui ont suivi la franchise à ce moment-là, ben on est là. C'est très, très, très récent, parce que là, jusqu'à maintenant, si j'ai bien compris, il y a juste le tome 0 de Naruto Gaiden qui est disponible. Aussi, ils ont sorti, ou il y a des discussions à propos de sortir la franchise des Boruto, qui est le fils de Naruto. Ça, c'est sûr que c'est en tant que tel, c'est un spoil, c'est un divulgateur, mais là, c'est rendu que t'as même. Avant, il y a tout le temps eu les séries de jeux vidéo aussi de Naruto. Là, maintenant, c'est rendu les jeux vidéo de Boruto. C'est Naruto Shippuden, le jeu vidéo, mais c'est Boruto que tu vois sur la première couverture, c'est ça. Je tiens à dire aussi que je suis au courant que y a une grande majorité des gens qui vont lire des mangas en format PDF en ligne, quand ils sortent tout de suite du Japon, qui sont tout de suite. Moi, je le fais pas encore. Je l'ai fait par le passé, mais je le fais pas. Donc là, toutes les informations que je donne, c'est pour les gens qui suivent les formats d'impression papier en français au Québec. Donc voilà. Parce que dans le fond, on est chanceux parce que Kana, qui s'occupe de faire la publication de tout ce qui est relié à Naruto, le fait dans le respect le plus total des traditions du Japon. Dans le sens que le manga qu'on a, nous, fait par Kana, il est identique à Accord de celui. gauche à droite et tout. C'est ça. Puis Pas les d'accord. bulles sont pareilles. Le visuel, il est pareil que celui-là au Japon. Donc c'est vraiment fait là. Parce que je sais qu'il y a des mangas en français qu'ils vont changer les noms, ça va être lu comme un vrai livre. Ordinaire. Ouais, comme avec Sakura Chasseuse de cartes, on s'entend que Ben Shaolin, Lionel. oui! Ben oui, moi quand j'ai commencé, moi je me suis acheté les Sakura en omnibus, puis en version originale, comme en français, mais version traditionnelle. Puis là, je parlais de ça avec des copines, puis là, je disais, ouais, Shaolin, il me tape sur les nerfs, nanana. Puis là, tout le monde était comme, ben là, c'est qui? Puis là, j'explique, puis Lionel! ben c'est Lionel! Ouais, Lionel, bien Ça sûr! fait ma vie, là. Ouais, vraiment, là, c'est laid, là. Puis, tout ça. Donc, c'est sûr et certain que, exemple, si je tombe sur un manga que j'adore, puis qu'il y a juste une forme bizarre de même, c'est sûr que peut-être j'irai en PDF. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que les informations que j'ai dit concernaient les formats papier. Parce que je crois que, comme Naruto s'est terminé en novembre 2016, mais je crois qu'au Japon, ça fait un an. Donc, c'est pour ça, là, que je mentionne vraiment en français, format papier. Donc, moi, je vais reprendre ça. C'est sûr que je vais jouer encore aux Sims Vampire. Je veux également essayer Black Desert Online à cause de Albi Gaming. Black Desert, guys! Profitez-en plus, Ouais. hein! Présentement, il y a des... Vous pouvez l'essayer gratuitement. C'est vrai, on Puis... peut aller sur le site internet, c'est 7 jours. On a une clé 7 jours, puis on peut l'essayer. Moi, j'ai joué que la bêta. Donc, là, je vais me le réinstaller en format complet, fait que j'ai hâte de voir. Également, dans mon dernier article sur mon blog, j'ai mentionné que je réduisais mes activités. Donc, c'est sûr que là, je vais avoir deux streams par semaine. Puis les articles aussi, j'en vais être un par semaine et tout ça. Donc mes activités sont réduites, mais ne disparaissent pas. Donc c'est sûr que là, à ce moment-là, je vais avoir un petit peu moins de jeux à mon actif. Puis pour Oui. compléter, justement, j'ai trouvé, c'est Leffen son nom. Je ne sais pas comment on le prononce, OK. mais c'est quelqu'un qui. C'est un jeune garçon qui vient de Stockholm, qui est swedish, il a 22 ans. Puis lui est dans le top joueur de Smash Bros, dans les top 6 players de la scène Melee. Wow! Puis en plus, mon Dieu, fait qu'il y a, on a quand même des gens qui viennent de loin là, pour Oui, l'activité, en là. effet, parce que lui, en plus, il est sponsorisé par Red Bull, qui est aussi un sponsor du LANETS. Oh, en plus! Donc, c'est un beau petit lien. Hey, ben oui! Ben oui, tu vas y faire des beaux yeux. Il doit être beau, ces Suédois. Oh, écoute, je vais prendre des photos pour toi puis je vais t'envoyer Ben oui, il doit ressembler à PewDiePie, là. C'est peut-être son cousin. Puis aussi, cette semaine, ben ce soir, je vais sûrement aussi streamer Resident Evil. Je vais pouvoir aussi Oui! prendre quelques. Peut-être faire un petit highlight ou quelque chose, puis je vais pouvoir plus vous en parler en détail pour le prochain podcast. Qu'est-ce que j'en ai pensé personnellement, parce que c'est différent, c'est vraiment, mais vraiment différent des derniers. J'espère que ça va être un retour aux sources en termes de survival, en termes de recherche. Je veux dire, il y a toujours normalement des petites. Parce que dans les anciens, c'était beaucoup tu tires, tu essaies d'avoir assez de munitions, mais il y en a partout. Le nouveau, je dirais que c'est beaucoup plus. On trouve un objet, il faut savoir où est-ce qu'on doit aller le porter, mais survivre en même temps. C'est vraiment avec beaucoup de suspense, avec l'histoire aussi, parce que c'est la suite du dernier. C'est vraiment en termes de temps, là, ça se suit. Puis j'ai beaucoup entendu les gens hurler, même si je n'ai pas regardé au complet parce que je ne voulais pas me faire spoiler. J'ai peur, je vais hurler. J'essaie de. En plus, ce soir, je vais sûrement prendre quelques petits shooters. Je vais mettre ça un peu plus loin pour être sûr de pas tout éclater autour de moi. Okay. Ouais. Ouais, j'ai hâte de faire ça aussi ce soir. Ah, ça va être. J'ai hâte de voir ça, moi. Ok, si. Ouais. Fait que dans le fond, il va être diffusé. Le stream va être diffusé le 4, le samedi, le 4 février. Donc, vous allez pouvoir sûrement rattraper la diffusion, la rediff sur Twitch ou ailleurs. Donc, et puis, je suis pas mal certaine qu'il va y avoir plein de beaux clips. Ouais, J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de hein? voir faire une compilation de mes crises de cœur. Ouais, ça va peut-être faire des clips, ça serait intéressant à voir. Donc, c'est sûr que. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir. C'est pas un jeu qui m'intéresse. Les jeux d'horreur, c'est quelque chose que je me tiens loin. Parce que, ben, tout simplement, ce n'est pas pour moi. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai quand même hâte de voir en guise de solidarité. J'ai hâte de voir le résultat. Ça va être Donc, beau. ouais, donc c'est ça qui conclut le podcast aujourd'hui. On peut te suivre, Envy, sur ta chaîne YouTube Envy Gaming. Oui, aussi sur mon site internet qui est le www.anabigaming.com. Si vous voulez, moi je vous conseille d'aller là parce que toutes les informations face à mon Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, tout est là. Donc, Oui. plus facile à se souvenir. Puis en plus, Anvi est très présent dans les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, tout est là. Fait que là, vous n'allez rien manquer. De mon côté, c'est la même chose. Vous pouvez aller sur catless.com. Vous allez tout trouver également. Sinon, comme je parlais tout à l'heure de mes. Je fais deux diffusions par semaine sur Twitch. J'ai également mon weekly vlog là, sur YouTube qui est disponible. Ce soir, le 4 février, on a également un souper meet-up. Pour les gens qui sont sur Twitch dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est sûr que je vais filmer ça, prendre des photos. On va mettre ça, je vais mettre ça sur YouTube. Donc, c'est toujours intéressant de regarder les weekly vlogs pour ça. Ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en arrière des caméras quand on n'est pas sur Twitch. Donc, c'est toujours plaisant. Toujours du bien de se Puis, rassembler. ouais, Puis on sait puis. que tout le monde a les mêmes passions, c'est pas Non, moi, c'est ça. on a Ben, tous une passion commune. c'est ça, parce que je sais que plusieurs vont le demander, mettons, on va peut-être voir ça plus en Europe, là, un streamer qui va faire un meet-up comme pour lui, là. Meet and greet, moi. Ben, c'est ça, tandis que nous, ça va plus, c'est plus à être, on se rassemble ensemble, s'il y a des gens qui veulent venir nous dire salut, tu sais, tant mieux, mais sinon, tu sais, ça nous permet d'échanger, ça nous permet de sortir un peu, ça nous permet de nous voir, puis savoir que dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est quand même quelques-uns, là, donc c'est super intéressant à ce moment-là. C'est plus en termes de communauté. Oui, oh oui, tout à fait, là. Donc, c'est. Puis j'ai remarqué qu'il y a plusieurs Québécois qui vont faire ça, dans le sens que tu sais, c'est bien plus le fun en groupe, à plusieurs, on a bien plus de fun que tout seul aussi, là. Donc, en tout cas. Fait que de toute façon, la communauté est encore assez jeune, donc on commence tout juste à s'organiser un petit peu. Donc, voilà, fait que c'est ça qui va conclure notre podcast aujourd'hui, notre podcast de février qui était sur le spécial des Sims pour fêter leurs 17 ans. Puis on a déjà, en tout cas, moi, personnellement, j'espère qu'on vous a donné le goût d'aller y jouer un petit peu, là. Moi aussi, j'ai vraiment hâte. J'ai envie d'aller jouer un peu, justement, avant de streamer ce soir. Ouais, ça va être super le fun. Donc, merci tout le monde et on se dit au mois prochain. Merci, bye bye!